franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Montant s'ignorait, la perte des illusions, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Juliette Henneman. S'ignorait Montant ou Montant s'ignorait, c'est selon et c'est comme vous voulez. Elle, Simone Signoret, née à Paris, actrice maintes fois auréolée de son premier succès au cinéma avec Casque d'Or jusqu'à sa consécration à Hollywood, elle est cette femme troublante et charismatique qui laissera un souvenir impérissable à tous les Français. En 1949, Prévert lui présente un jeune chanteur, Yves Montand. Et là, c'est le coup de foudre. Et même si le couple vivra des moments tumultueux, jamais il ne se séparera. Simone Signoret est aussi une intellectuelle engagée qui, dans les années 60, fréquente le Café de Flore et rêve d'écrire. D'ailleurs, en 1975, elle publie un très beau livre au titre inspiré et subtil « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Lui, Yves Montand, de son vrai nom, Yves Olivi, est né en Italie de parents ouvriers, résistants et communistes. Montand s'engage très tôt et devient un compagnon du Parti communiste. C'est un artiste aux multiples talents, genre surdoué, chanteur, danseur et acteur, qui connaîtra tous les succès, tous les honneurs. Dans les années 50, le monde est divisé en deux blocs irréconciliables, alors il faut choisir son camp. Montand et Signoret ont choisi, ils s'engagent politiquement et sont très proches du Parti communiste. Le monde de Montand et Signoret est le monde terrible de la guerre froide. Durant plus de 40 ans, de 1945 à 1989, deux blocs s'opposent, faisant des pays communistes et des pays occidentaux des ennemis prêts à s'affronter. Mais les dirigeants de ces pays ne sont pas non plus des fous furieux. Alors cette guerre entre l'URSS et les États-Unis, qualifiée de froide, s'exerce finalement davantage sur le plan culturel ou sportif, ou alors s'il s'agit de guerre par pays du tiers-monde interposé. Ce qui fait qu'au sein même des démocraties occidentales, des artistes et des intellectuels, bercés par les idées communistes de la première moitié du XXe siècle, s'élèvent pour défendre les régimes de l'Europe de l'Est et condamner l'action des États-Unis. L'appel de Stockholm en est un brillant exemple. Mais la répression de l'insurrection à Budapest par les chars soviétiques en novembre 1956 et la révélation des crimes staliniens provoquent une fêlure dans les esprits, une fêlure qui ne se referme pas. Le communisme n'était donc pas le paradis tant espéré. Voilà, c'est dans ce contexte qu'Yves Montand et Simone Signoret, communistes convaincus, se rendent derrière le rideau de fer pour une tournée triomphale. Mais ils seront très critiqués par la presse et surtout par leurs amis. Pourtant, ils n'auront cédé au cours de leur voyage sur rien. À leur retour, la déception sera grande. Yves Montand se fâchera avec son frère, toujours communiste lui, et c'est en 1970, avec le film L'aveu et le rôle que Costa Gavras lui offre, qu'il soldera en quelque sorte ses comptes avec le Parti communiste et avec ses propres erreurs. La fiction, que vous allez entendre, commence en 1956, avant le départ du couple Simone Signoret Yves Montand, invité pour une tournée en Union soviétique. Une discussion politique s'engage alors avec Gérard Philippe, qui rentre, lui, d'une tournée en Pologne. Après la fiction, nous recevrons Yvan Levaille, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, puisqu'il en fut à la fois le directeur et le présentateur de la revue de presse, et tous les faiseurs de presse aujourd'hui le considèrent un peu comme l'inspirateur. Mais il est avec nous pour une autre qualité, si je puis dire, c'est qu'il a été l'ami d'Yves Montand et de Simone Signoret, dont son témoignage sera important. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je dirais une chose très importante. Je suis très sincèrement bouleversé. Je tiens à dire que je ne suis pas un homme politique, mais j'ai l'impression et même la certitude que les échanges culturels sont plus indispensables que jamais à l'heure présente. Montand Signoret, La perte des illusions, de Renaud Meyer. Les échanges sont indispensables pour la détente et en particulier, et pour la chose la plus importante à mes yeux, pour la paix. Ce que j'ai vu en Pologne, c'est le privilège des artistes. La tournée nous ouvre les yeux. si on veut bien accepter de les ouvrir. La Pologne, cette misère, tous ces gens qui crèvent de faim. On les a fait taire au nom du communisme. À la gloire de Staline, on les a enfermés, massacrés. On s'est trompés, tous trompés. Vous, moi, eux, le PC, on a laissé faire. Je suis parti avec le sourire en Pologne. Tout le TNP avait le sourire, l'espoir chevillé au corps, le communisme solidement ancré. Là. Et puis on a vu la détresse sur les visages. Ces bouches qui réclament du pain et un peu de liberté. C'était à pleurer. Ben maintenant, on sait qu'on s'est peut-être foutu dedans, tous. Grâce à toi, Gérard, on sait. Grâce à Sartre. Ce qu'il raconte sur la Pologne, la Hongrie. Bon, arrêtez-vous deux, je ne veux plus vous entendre. Vous ne pouvez pas comprendre la révolution russe. Elle n'est pas faite pour des gens comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire, des gens comme nous? Des intellectuels de gauche? Parce qu'on a grandi à Neuilly et au Café de Flore, on ne peut pas comprendre la classe ouvrière? La révolution est faite pour les ouvriers et les paysans. Ce n'est pas notre révolution, c'est la leur. Les conditions de vie des ouvriers sont une catastrophe en Pologne comme en URSS. Les régimes communistes ne sont pas au service du prolétariat. C'est faux! Tu le sais très bien, mon temps. Vous vous dites que je suis trop bigot pour accepter la réalité, c'est ça? Le réflexe du petit communiste qui donne toujours raison au parti. C'est passionnel. Oui, c'est de la passion amoureuse. Va donc expliquer à un homme amoureux que sa femme le trompe, il refusera toujours d'accepter la réalité. 20 millions de morts! 20 millions de soviétiques qui sont tombés parce qu'ils luttaient contre les fascistes. Vous avez signé l'appel de Stockholm, tous les deux, vous l'avez oublié? La guerre de Corée, les Rosenberg. Il est où le mouvement de la paix? Il y a longtemps que l'antifascisme n'est plus à Moscou. On ne va pas au parti comme on va au théâtre. Au théâtre, si la pièce t'emmerde, tu t'en vas. Si on va au parti, on accepte tout. Mais pas la terreur, pas la fausse information, pas le servissement des intellectuels. Et je te passe les camps. Je peux pas entendre ça de ta bouche, Gérard. Les camps, pas toi. Et la folie meurtrière de Staline, je l'ai inventée peut-être? C'est Khrouchtchev qui l'a dénoncé, pas moi. Justement, le parti est capable d'autocritique. Le régime peut évoluer, et avec lui, toute la classe ouvrière. Khrouchtchev en a une paire comme ça pour se lancer dans la réforme du communisme. Mais bon Dieu, on les a vus ensemble, les chars soviétiques entrés dans Budapest. Les maisons en ruine, les cadavres des insurgés. Les chars de Stalingrad qui ont repoussé le nazisme sont les mêmes qui ont écrasé la révolution à Budapest. La contre-révolution. Tu me feras pas avaler que le communisme, ce sont les chars contre les ouvriers. Vous allez être heureux là-bas? Dis. En URSS, vous allez être heureux? Ah, elle va être belle cette tournée dans les pays de l'Est. Si vous partez, vous cautionnez la répression. Vous cautionnez les staliniens. Si on reste, on cautionne les réacs. Alors, c'est quoi le programme? On sait pas. Le matin, on est déterminé à partir. La journée passe, on ne discute que de ça. Avec la famille, avec les copains, la presse nous interroge, les gens nous crachent dessus. Et quand arrive le soir, on décide de tout annuler. Sartre nous dit rester, le frère de Montand nous dit partez, et Aragon nous dit qu'il peut rien pour nous. Je te passe les lettres d'insultes et les relances soviétiques pour activer notre départ. Mais toi, tu en penses quoi? Si on part, Montand ne pourra plus jamais chanter en France, c'est certain. Simone, les contrats sont signés depuis 8 mois. Des milliers de soviétiques ont pris leur place pour venir m'écouter. J'ai engagé des musiciens. Tu me vois dire à Krolla, à Zola, rangez vos partitions, on reste à Paris. Alors? Vous partez? Je sais pas. Le 16 décembre 1956, Yves Montand quitte enfin Paris pour Moscou, accompagné de Simone Signoret et de ses musiciens. C'est le début d'une tournée triomphale à travers les pays de l'Est. Montand est alors une immense vedette de la chanson, en France comme en URSS, où l'on fredonne les feuilles mortes et à Paris. Mais c'est l'artiste engagé, le fils de militants communistes italiens, l'ancien manœuvre, qui s'envole également ce jour-là pour Moscou. En ces temps de guerre froide, le couple Montand-Signoret est de toutes les luttes communistes. Ils signent ensemble l'appel de Stockholm contre l'utilisation de l'arme nucléaire par les Américains, se mobilisent contre la guerre de Corée et s'indignent devant le sort que les États-Unis réservent aux époux Rosenberg, soupçonnés d'avoir révélé le secret de la bombe atomique. Mais la répression de l'insurrection à Budapest par les chars soviétiques en novembre 1956 et la révélation des crimes staliniens par le nouveau secrétaire du PC soviétique Nikita Khrouchtchev lors du 20e congrès vont semer le trouble parmi les sympathisants. Jacques Prévert, Gérard Philippe, Jean-Paul Sartre sont les premiers à tenter de réveiller la conscience du couple Montand-Signoret. Mais il leur faut partir pour voir de leurs propres yeux, écouter les gens de l'Est, se faire leur opinion. T'es pas au Bolchoï ? T'es parti avant la fin ? La Plissetskaya a été remplacée par une autre danseuse. C'est bien la peine de porter tes breloques et ton tailleur Hermès. On est venu me chercher après l'entracte. C'est pour ça que je suis là. Qui est venu te chercher ? Monsieur Culture. Oh, quel emmerdeur celui-là. Qu'est-ce qu'il voulait ? Très grave, qu'il m'a dit. Oh, moi j'ai cru que t'étais mort, j'étais en prison, le feu au théâtre. Mais tu vois Simone, je suis là. Le public aussi. Il était glacé, et puis j'ai fini par le décongeler. Mm. Qu'est-ce qu'il nous veut, monsieur Culture ? Nous sommes attendus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Khrouchtchev et Molotov veulent te saluer. Ta femme doit t'accompagner, je suppose. Mais pourquoi ils ne viennent pas dans ma loge ? Quand on veut saluer un comédien, on se déplace dans sa loge. Même les têtes couronnées se déplacent. Ils nous attendent pour dîner. Où ? Dans une salle, derrière la scène. Ici ? Au théâtre ? Pff, ils font chier. Mm. Bon. Viens, on y va. Je les ai aperçus en arrivant. Tout le politburo. On se croirait aux actualités. J'aime pas ça après le spectacle. Mm. Oh, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Bonsoir. Camarade Khrouchtchev. Et voici le camarade Molotov. Bonsoir. Camarade Malenkov. Le camarade Mikoyan. Bonsoir. Et le camarade Bulganin. Le camarade Lili et son épouse, Madame Signoret. Nous avons trouvé le récital très beau, n'est-ce pas, camarade? Très beau. La chanson « C'est à l'aube » était poignante, tellement émouvante. Merci. Eh bien, portons un toast à la famille Lévy, et particulièrement à Giovanni. À votre santé. Comment va Giovanni? Giovanni, mon père, il va bien, merci. Giovanni va bien. Alors, ça n'a pas été facile de venir chez nous. Ce n'est pas très facile de venir chez vous en ce moment, monsieur Khrouchtchev. À cause des fascistes. Ce ne sont pas les fascistes qui m'ont empêché de partir. C'est moi qui hésitais, après ce qui s'est passé à Budapest. Les Hongrois, on les a remis au pas. On a rétabli l'ordre. Tous nos amis qui ne sont pas des fascistes, Gérard Philippe, Jean-Paul Sartre, Claude Roy, Vercors, tous militants, amis de l'Union soviétique, pas un n'a compris les chars dans Budapest. Comment avez-vous pu faire ça ? On ne comprend pas. Il n'y a donc pas que des fascistes qui soient contre l'intervention ? Les communistes aussi sont troublés. Pour comprendre ce qui s'est passé à Budapest, il faut remonter à Staline. La Hongrie s'était Rákosi, et Rákosi c'était Staline, sa clique et ses erreurs. Rákosi a interdit toutes les organisations non staliniennes. C'était la tactique du salami. On coupe en tranches l'opposition démocratique. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et on les avale. En tranches. C'est bon, hein, c'est bon. C'est très bon, cette petite opposition. Vous en voulez encore une? Et Rákosi était le meilleur élève de Staline. En Pologne, c'était pareil. Staline a liquidé les opposants. C'était les procès, les déportations. Avec Beria aux commandes de la police politique, le grand ordonnateur des camps, notre Himmler national. Bonjour, camarade Beria. Merci, camarade Beria. 16 millions de morts. 16 millions. Je vois bien dans votre œil que vous vous dites, et vous, camarade Khrouchtchev, que faisiez-vous pendant ce temps-là? Rien. Je ne faisais rien. Pourquoi ? Parce que nous avions peur. Staline avait changé. Quand on entrait dans son bureau, on ne savait plus si on en ressortirait vivant. Vous condamnez Staline, très bien. Mais vous pensez défendre le socialisme en envoyant des chars dans Budapest ? Nous sauvons le socialisme de la contre-révolution, voilà. Comme Tito autrefois. Oh, Tito, erreur du passé. Excusez-moi, monsieur Khrouchtchev, mais vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup d'erreurs ? Les émeutes de Poznan, ça fait boum. Budapest, ça fait boum. Et avant, avec Tito, ça faisait boum boum. On ne peut pas répéter éternellement que ce sont des traîtres. Budapest, c'est différent. Il fallait bien voler au secours des Hongrois pour les tirer des griffes fascistes. Vous ne pensez pas que le peuple réclamait plutôt la liberté que vous lui aviez promise ? Vous n'avez pas compris l'appel des Hongrois. Alors nous sommes nombreux à ne pas comprendre. Ma présence ici n'est pas une caution de la répression en Hongrie, que ce soit clair. Quelle franchise ! Nous sommes ici avec Simone pour des raisons sentimentales. Et c'est justement parce que nous sommes des sentimentaux, pas des militants politiques, que les images de Budapest nous ont choqués. On ne peut pas être sentimental avec l'Union soviétique et cesser de l'être avec la Hongrie. Vous voyez ce tailleur, monsieur Khrouchtchev ? Il coûte très cher. Et ses bracelets aussi. Et ce chapeau en vison une fortune. C'est avec de l'argent gagné dans les pays capitalistes que je les ai achetés. Et notre maison d'Auteuil ? Une maison magnifique, avec un immense jardin, où nos amis, souvent des compagnons de route, viennent dès qu'ils peuvent. Nous l'avons acheté grâce à mon travail, parce que je chante où je veux, devant qui je veux, et personne ne me dira ce qu'il faut chanter, personne. Parce que le beau n'est pas prolétarien ou bourgeois. Le beau dépasse tous les clivages. Quel plaisir de ne pas être d'accord et de rester amis. Portons un toast. Avec ce cognac arménien, à la famille Livy, à Giovanni, Giuseppina, Julien, Lydia et Ivo Livy. Cette belle famille de Toscane, chassée par le fascisme, toujours militante, de père en fils, et qui a su offrir à la France, à l'Italie et au peuple soviétique ami une voix si charmante. À votre santé, à votre voix. Bravo. On m'a dit que vous aviez un projet de cinéma en Union soviétique, Madame Signoret. Oui, on m'a proposé de jouer Madame Bovary. Oh. Mais je ne vais pas accepter. Une coproduction sur un thème si français n'a pas de sens. Je ne vais pas être mariée à un docteur Bovary russe. Il faut que tout soit français dans Madame Bovary. Même les vaches. Ah, Balzac. Messieurs, j'ai hésité à venir en URSS, mais je suis maintenant certain d'avoir eu raison, car j'ai eu le privilège de pouvoir parler librement avec vous. Merci d'être venu m'écouter chanter. Je lève mon verre au peuple soviétique et à la paix. À la paix, à la paix. Portons un toast à la Pravda. Oui, mais à la Pravda, Pravda, pas au journal. Maintenant, on sera mal avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien avec nous-mêmes ? Ce dîner fait grand bruit et chacun y va dès le lendemain de ses suppositions sur la teneur des conversations. Le couple Montand-Signoret reçoit tous les honneurs. La tournée est un véritable triomphe. Après les ors de la salle Tchaïkovski, Montand chante au stade Oujniki devant 18 000 personnes. L'expérience est unique pour le chanteur, qui n'hésite pas à se produire à l'usine Likhatchov, juchée sur 4 camions devant 8 000 ouvriers. Le prolo chantant est un phénomène. On prénomme les nouveau-nés Simone ou Yves, et la presse étale partout les photos de leur promenade en traîneau dans Moscou. C'est où, cette maison ? Je sais pas, Simone. Je sais pas. On est perdu ? Oui. Tu parles d'un déjeuner à la campagne ? On est au moins à 80 km de Moscou. Je t'avais dit qu'il nous fallait un interprète, un guide qui nous amène jusque chez eux. Irenbourg a dit vous deux. Toi et moi, seuls. Et puis j'en ai marre de ces officiels qui nous accompagnent partout. La nomenclatura, le gratin, ils ont tous les droits. T'as vu comme le chauffeur fonçait sur les gens ? Les voitures du parti sont prioritaires, les piétons doivent s'écarter. Enfin, tu ouvres les yeux. Je ne les ai jamais fermés. On nous empêche de voir, c'est différent. Je suis pas dupe, Simone. Je sais bien qu'ils font tout pour nous éviter la misère. Mais je les ai vus, ces femmes qui balayent les trottoirs par moins 15, et cet ouvrier à l'usine Likhatchov. Son regard, je l'oublierai jamais. Mon pauvre Montant, t'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que c'est une mascarade, tout ça? Tiens, la voilà, la vie soviétique. Le hasard nous l'offre sur un plateau. Mon Dieu. Tu vois, c'est ça le communisme, Montant. Des cabanes en bois, avec des familles qui s'entassent dans la crasse et la honte. Le communisme à la campagne. En ville, c'est pas mieux. Les queues qui n'en finissent pas devant les magasins, le luxe à la portée des privilégiés du régime. Oui, c'est pas le paradis pour tout le monde. Mais ça te révolte pas? Tu as le cœur communiste quand tu vois ça? Il faut laisser faire le temps. Ils ont commis des erreurs, Khrouchtchev a eu le courage de l'avouer, même à nous. Il peut pas tout changer d'un seul coup. On va pas balancer Khrouchtchev et le communisme, pas maintenant. Tu suivrais le diable parce qu'il est rouge. Putain, j'en ai marre de tes remarques, Simone. Tu comprends rien à rien. Les Russes me bouleversent. J'ai jamais eu un public comme celui-là. Et ces gens qui viennent nettoyer ma loge après le spectacle, j'en ai les larmes aux yeux. Je peux pas être anti-soviétique. C'est plus fort que moi. Ne me demande pas ça. Allez, avance. La tournée se poursuit sous le regard incrédule de Simone Signoret et d'un Montant déchiré par ses désillusions. À Varsovie, le succès est à nouveau au rendez-vous, mais les critiques pleuvent concernant l'ami de Khrouchtchev, qui débarque en jet privé et se fait payer des fortunes en dollars. Montant s'en défend, hurle qu'il est payé en monnaie nationale et que cette tournée ne lui rapporte rien. Des conversations enflammées s'improvisent avec des inconnus dans la rue ou un restaurant, se poursuivent dans sa loge avant de reprendre après le spectacle. Si bien que chanter est devenu pour Montant un simple entracte. Après la Pologne, c'est la RDA, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, avant la Yougoslavie. Monsieur. Monsieur. C'est encore loin? Ça fait un moment que nous roulons, nous avons quitté Belgrade depuis une demi-heure. Oh, il fait des gestes mais il ne répond rien. Le chauffeur aussi est muet. Tu trouves ça normal? Non. Il parle pas français. Pas anglais non plus. Et cette voiture, elle ressemble à celle d'un chef d'État. Une vieille Ford. C'est curieux. La voix au téléphone qui nous a invités. C'était qui? Je sais pas. Une dame. Elle ne s'est pas présentée? Elle m'a juste dit, le maréchal Tito vous invite à prendre le thé, une voiture viendra vous chercher à votre hôtel à 3h. On s'est fait piéger. Ces deux lascars sont des truands. On n'aurait pas dû monter dans cette bagnole sans se poser de questions. Il n'y a plus une seule maison. La forêt est déserte. On a trop parlé, partout où on est passé. On en sait trop sur tout le monde, Simone. On va nous y couiller. Tito, j'aurais dû y penser. L'ancien traître réhabilité. On se croirait dans les 39 marches. Panique pas. Surveille le type qui conduit, moi je m'occupe de l'autre. Si la voiture ralentit, je lui saute dessus. Toi, tu ouvres la portière et tu cours. Il y a des maisons là-bas, avec des gardes devant. On ralentit. Regarde qui nous attend devant la maison. Sauvé. Madame Signoret, Monsieur Montant. Quel plaisir. Je me croirais presque au cinéma. Soyez les bienvenus dans cette petite maison de famille. Venez, venez, entrez, je vous en prie. « je vous ai fait préparer du thé, et puis je me suis dit non, non, champagne. Allez, champagne, réserve spéciale du maréchal Tito. Voyageurs infatigables, à la grande actrice du cinéma français dont nous avons vu tous les films, aux chanteurs, aux compagnons de route du Parti communiste, santé. Santé. Santé. Si vous êtes là, c'est que vous êtes rassurés. Je ne suis plus ce traître vendu à l'impérialisme. Nous n'avons jamais cru cela. Le Parti communiste français l'a cru. Et l'a chanté sur tous les tons. Mais pas nous. C'est pour ça que nous n'avons jamais adhéré au parti avec Simone. Et puis aussi à cause de la culture. La vision communiste de la culture, ça nous intéresse. Pour un communiste français, voyez-vous, une chanson sur les mineurs, c'est très important. Alors je leur disais... C'est important si c'est une bonne chanson sur les mineurs. Et les camarades me répondaient, si elle est bonne votre chanson, c'est tant mieux, mais l'important c'est qu'elle parle des mineurs. Lamentable. Et quand je chantais C'est si bon, ils me reprochaient le rythme un peu trop américain. Et alors, Fred Astaire, c'est pas génial? Et Hemingway? Ah, le type qui a fait un roman sur un vieux bonhomme et un poisson, il a pas mieux à faire, il devrait écrire sur le McCarthyisme. C'est à pleurer. Alors la carte du parti, on a dit non. Je suis heureux d'entendre cela de votre bouche. On m'a tellement mal informé à votre sujet. On nous a associés à beaucoup de choses, y compris des causes dont nous n'avons jamais entendu parler. Venez à Paris, et nous nous promènerons avec vous, y compris sous le nez des communistes. Ah, Paris, Paris. J'aimerais tellement connaître autre chose que les petits hôtels de banlieue et les gares. Toutes ces années de clandestinité en France... Dans les années 30, je m'habillais en bourgeois, très élégant, avec un chien de race. Les révolutionnaires, on les cherchait en bleu de travail et casquette, pas en complet veston. Mais on ne m'a jamais attrapé. Alors, j'ai pu tranquillement organiser ma traîtrise au socialisme. Ils n'ont pas apprécié. Mais mon peuple a apprécié. Je n'ai jamais menti sur les difficultés, voilà pourquoi ils me font confiance. Parce qu'à Moscou... Khrouchtchev vous a raconté la liquidation du parti polonais par Staline. Oui. Et les Espagnols liquidés? Ça aussi. L'international communiste, c'est ma famille, je la connais. On ne me racontera pas de mensonges sur ses vertus, je ne les avalerai pas. Je sais tout. J'ai eu raison contre les autres partis du bloc, seul contre tous. Allez, portons un toast au cinéma et à la chanson. La tournée se termine par Budapest, dans cette ville qui avait déchaîné tant de violences et d'interrogations quelques mois plus tôt. Malgré les traces encore visibles de l'insurrection et l'enfermement des opposants, le couple y découvre une aisance matérielle peu commune dans les pays socialistes et des centaines de groupies, belles comme le jour, heureuses de venir écouter le chanteur. Évidemment, ça s'adresse à une femme. Lorsqu'il rentre en France, Yves Montand n'est plus le même homme. Alors, c'était comment? Raconte. T'as lu les journaux, comme tout le monde. Mais toi, t'en as pensé quoi, Khrouchtchev et les autres? Ils savent recevoir leurs invités. Les récitals, c'était extraordinaire, j'ai jamais vécu ça. En même temps, il y a un proverbe russe qui dit « La Russie est une mère pour les étrangers et une marâtre pour ses propres fils ». J'ai pu vérifier la justesse de ce proverbe là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas tout accepter. Tu préfères l'enfer du capitalisme? Il n'y a que toi pour penser que l'URSS est un paradis. Moi aussi, j'ai cru qu'un monde meilleur était possible. J'ai fermé les yeux sur des crimes et des abominations au nom de cette croyance, égoïsme. Aujourd'hui, je n'ai plus la foi. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai repris possession de moi-même. J'espère, mais je ne crois plus. Terminé. Tu ne me feras pas dire qu'un chat est noir s'il est gris. Tu fais jeu des fascistes en renonçant à la foi communiste. Staline, 16 millions de morts. Khrouchtchev me l'a balancé toute une soirée. C'était quoi, Staline? Un ange? Si papa t'entendait. T'as oublié ce que la famille a enduré? L'incendie de la cabane? La violence des représailles? le départ de Toscane à cause des fascistes. A morte comunisti. Papa était communiste, anticlérical et maman croyante. Ça ne les a pas empêchés de s'aimer. Un homme qui ne pense pas comme moi n'est pas forcément un ennemi. Tu crois que papa serait fier de toi? De tes idées sur le communisme? J'ai du respect pour mon père, autant que toi. Mais j'en ai marre d'être exploité par une idée. J'ai l'impression d'être une publicité vivante, comme un shampoing ou un apéritif. Vive la fraternité, mais pas à sens unique. Tu vas faire des déçus. Et moi? Tu crois que je ne suis pas déçu? Des types comme Khrouchtchev n'ont pas réalisé le communisme pour le peuple, ils l'ont fait pour le comité central. Les chars russes dans Budapest, c'était le coup de grâce. Je tourne la page du communisme, Julien. C'est fini. Simone Signoret déclarera « Novembre 1956 aura été le mois le plus triste, le plus absurde, le plus cruel et le plus instructif de nos 27 années de vie commune avec Yves Montand. » En septembre 1959, le couple s'envole pour les États-Unis. Montand chante à Broadway, tourne Le Milliardaire avec Marilyn Monroe, tandis que Simone Signoret remporte l'Oscar de la meilleure actrice à Hollywood. Le rêve américain de Montand s'accomplit, tandis que meurt son paradis communiste. L'intervention des troupes du pacte de Varsovie à Prague en 1968 achève en lui toute illusion. Son combat se placera désormais du côté des dissidents. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti. C'était Montand Signoret, La perte des illusions, de Renaud Meyer, avec Antoine Doignon, Yves Montand, Sophie Dolle, Simone Signoret, Pierre-François Garel, Gérard Philippe, Miglène Mirtchev, Nikita Khrouchtchev, Vincent Nemeth, le maréchal Tito, Arnaud Churin, Julien Livy, Thibault Lacour, le narrateur. Des hommes, il en faut toujours. Et les voix de Anton Yakovlev, Dimitri Yakovlev, Nicolas Hussard, Mikhail Avakov et Sergei Koltouchkine. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Et puis voilà. Réalisation, Juliette Eman. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Montand signerait la perte des illusions. Notre invité aujourd'hui, Yvan Levaille, journaliste, ami du couple. Bonjour Yvan Levaille. Bonjour Fabrice Drouel. Alors vous êtes journaliste, je le disais tout à l'heure en présentant cette émission, les auditeurs de France Inter vous connaissent bien et ont le souvenir encore très fort de la revue de presse que vous avez présentée de la fin des années 80 au milieu des années 90, lors d'un premier set si j'ose dire, puisqu'on vous a retrouvé ensuite, avec moi-même d'ailleurs, dans le 7-9 du week-end. Alors, comment avez-vous rencontré le couple Montand-Signoret? Est-ce que vous avez rencontré d'abord Simone et ensuite Yves, ou les deux en même temps? Ah, c'est très curieux parce que j'ai fait d'une certaine façon mes seconds débuts à la radio, ici, à Radio France. Il y avait des émissions pour la jeunesse et j'ai été jeune, moi aussi, j'avais fait beaucoup de voyages, y compris dans les pays de l'Est. Je crois que j'ai fait un des premiers voyages de jeunes en Union soviétique, à la tête d'un groupe de jeunes étudiants, début des années 60. Et après les 65, 64, 65, j'arrive ici dans une émission qui s'appelle Les Arts du Goût, José Arthur, oui. Claude Dupont et Jean-Michel Godard. Oui. Et l'émission devait concurrencer Salut les copains. Et alors, on nous avait laissé un micro. Moi, j'avais demandé de pouvoir interviewer à l'extérieur les grands écrivains et les grands artistes. Et un jour, je suis allé Place Dauphine et j'ai sonné à la porte d'un couple au rez-de-chaussée. C'était facile. Le couple, c'était Simone Signoret et Yves Montand. Je sonnais à la porte et il y a un grand diable, grand escogriffe, qui est venu m'ouvrir et qui a dit « Simone, Simone, c'est un jeune homme qui veut nous interviewer ». Et ben c'était moi, voilà. Ça a été ma première rencontre et je ne savais pas qui jouerait l'un et l'autre, les deux en même temps, les deux séparément, un aussi grand rôle dans ma vie. C'est eux qui ont joué un grand rôle dans ma vie. Moi, j'ai joué un petit rôle dans la leur et je continue d'ailleurs puisque voilà, je reste proche de Carole Amiel, la dernière compagne d'Yves Montand, proche du petit Valentin qui est devenu le grand Valentin, et je roule même dans une voiture qui a appartenu à Yves Montand. Enfin, je suis groupie, j'ai été groupie et je le reste. Alors, puisque vous l'avez si bien connu, qui entraînait l'autre, finalement, dans cette vie publique, en dehors de la sphère artistique, c'est-à-dire dans l'engagement politique? Il y en avait un qui entraînait l'autre, où ils étaient vraiment l'unisson. Alors, je serais tenté de dire c'était Simone, parce que Simone était l'intellectuel du couple, et Yves était l'autodidacte. Mmh. Il n'en avait que plus de mérite, d'ailleurs. Et bon, Simone, c'est la petite bourgeoise, hein, qui habite l'ouest de Paris, qui fait ses études au lycée de Vannes. Et vous l'avez dit, et Montand, c'est le fils ouvrier des ouvriers communistes. Et c'est le frère de Julien, qui lui milite à la CGT et au Parti communiste. Ouais. Et Montand, il est plus vacillant dans l'expression politique. Mais c'est le mâle. Et donc il fait plus militant que Simone. Mais je crois que c'est Simone qui l'entraîne intellectuellement et qui lui fait connaître des gens qu'il n'aurait jamais connus. Par exemple, Semprin, c'est Simone. Costa-Gavras aussi, d'une certaine façon. Jean-Paul Sartre. Oui. Jean-Paul dont Sartre. Dont il parle dans la fiction, d'ailleurs. Oui. Et Gérard Philippe. Quelque chose me dit qu'il y avait... Bah oui, d'abord, Gérard Philippe, c'était un séducteur, comme Montand, et séducteur, et capable de séduire aussi bien Simone que Montand. Donc il n'est pas que séducteur, il est aussi séduisant. Oui. Hein, parce que c'est facile d'être séducteur. Voilà, séduisant, c'est plus difficile. Séducteur et séduisant. Ouais. Et vous avez eu raison de dire que Gérard Philippe l'a tourné à l'Est. Alors, on y arrive, justement. Eh oui. Yvan Levaille, à ce moment qui est compliqué. Effectivement, ils sont communistes, ils font partie de cette génération qui pense... Ils sont que pas de... communistes. Alors, mais ils sont, alors ils sont voilà. séduits quand même voilà. par, voilà. par ce modèle-là, par oui. ce paradigme oui. qui est différent oui. de celui qu'on connaît. Ils oui. sont quand même séduits. On peut être communiste sans être communiste, sans avoir sa carte. On peut être séduit. Oui. Ils faisaient partie de oui. cette population-là. Alors, écoutez, il faut comprendre. Moi, Montand m'a dit un jour, à un autre micro que celui de France Inter, hein, à Europe 1, mmh. il a eu cette phrase, quand on a été communiste, on doit dire et reconnaître qu'on a été con et dangereux. Vous vous rendez compte ? Ouais. Ça, c'est le Montand d'après. Voilà. Mais Montand n'a jamais été aussi communiste que l'était son frère Julien. Jamais. Je dis bien jamais. Et Simone préférait dire « on a été compagnons de route ». Mais il faut comprendre que dans les années 50, Staline était, pour toute une génération, faisait partie des gens qui avaient, avec les Russes, triomphé, et avec les Soviétiques, triomphé de la guerre. Du nazisme, bien sûr. Attendez, aux fenêtres, moi j'ai eu 7 ans en 44. Il y avait au drapeau des fenêtres que je voyais enfant à Paris et à la campagne, il y avait les quatre drapeaux, on l'a oublié ça. Le drapeau américain, le drapeau anglais, le drapeau français et le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau. Donc, moi j'ai fait aussi un petit tour au Parti communiste français. Moi c'est même Julien Montand, Julien Lévy, qui m'a apporté ma carte du Parti communiste. C'est le frère, lui, très militant. Ma carte, le frère oui. d'Yves Montand qui me l'a apporté. Et donc on l'était, j'allais dire, le plus naturellement du monde. Oui, mais non, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, hein. je comprends donc ça par en 56, rapport... en 56, guerre froide. Mais vous savez, la guerre n'est pas très loin. La guerre se termine en 45. Ah. Donc ça fait, il y a 11 ans, à tout casser. Et donc en 56, il y a des gens qui considèrent que les Russes les ont, les Soviétiques, les armées, l'armée rouge a libéré, elle aussi... pas la France, mais à Berlin, et a eu la peau d'Hitler. Mmh. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'un artiste comme Gérard Philippe, et des tas de gens, des artistes de l'avant-guerre qui avaient figuré dans le groupe Octobre, les gens qui fréquentaient Prévert, etc., étaient compagnons de route. Il y avait le mensonge américain, et il y avait la vérité soviétique. Jusqu'au moment, Yvan Levaille, mais ça on va en parler dans 3 minutes après une pause, où il y a quand même 56 Budapest, il y a 68 il y a Prague, et il y a forcément une prise de conscience. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. de mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de boucliériser l'élite, qui t'embauche pas, mais qui profite de ces villas. La, la, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que ta main aux azédiques et moi. De ratiboiser la culture pour te ramollir, toi qui taffes dur et te traîner à l'usine de Cholet sur des machines à licencier. Moi, je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais. Yvan Levaille, donc on disait tout à l'heure, effectivement, il y a cette mystique communiste liée au fait, et c'est vrai, c'est une vérité historique, que Staline est aussi l'un des vainqueurs d'Hitler. C'est même d'ailleurs les troupes soviétiques qui, les premières, entrent dans Berlin jusqu'au centre et jusque là où se trouvent les dernières poches de résistance, le général Zhukov. Bon, d'accord, c'est clair. Puis il y a le coup de Budapest, il y a la répression de Prague. Donc comment on peut continuer à adhérer à cette idéologie quand on voit la réalité des faits? Mais c'était aussi la problématique d'Yves Montand et de Simone Signoret. Oui, vous savez, on a oublié Poznan. Ça Pologne, commence, bien sûr, ça commence bien sûr. Avec les événements de Poznan en 1953. Répression, répression rouge. Et que vous dire? Julien l'est resté. Je vais vous dire, ça faisait râler Simone, et ça faisait aussi râler Montand dans la pente qui les a conduits le plus naturellement du monde à s'opposer à ces tests du goulag. Ouais. Voilà. Et ils n'ont pas accepté, eux, le coup de Prague. En revanche, Budapest, d'une certaine façon, ils ont accepté en allant à Moscou. Et Dieu sait s'ils se sont fait engueuler. Parce que Paris Match a publié à leur retour une photo prise là-bas. Et la légende, c'était « Regarde Simone, Budapest qui brûle ». Et eux, pendant ce temps-là, avaient dialogué avec les dirigeants soviétiques, en particulier avec Khrouchtchev, pour dire, mais toute une nuit, toute une nuit, suite à un dîner au Kremlin, elle le raconte dans La Nostalgie n'est plus ce qu'elle était, en disant, mais comment avez-vous pu? Et ils sont revenus confiants. C'est passé d'ailleurs au début de votre émission, et vous avez bien fait de passer ce montage et cet extrait. Oui. Ils sont revenus en disant, mais on leur a dit qu'il fallait vivre autrement, faire autrement. On n'est pas allé cautionner, quoi. Au contraire. C'est ça. On n'a pas été une caution. Est allé rencontrer le peuple. Mais, en gros, l'argument de ceux qui sont restés communistes, après Montand et après Signoret, c'était « On ne peut pas dire ça parce qu'on fait le jeu de l'ennemi du peuple. » Comment ils vous parlaient de cela? Ça vous est arrivé de, je sais pas, à l'occasion d'une soirée au coin de la cheminée, de parler avec Yves et Simone de cela? Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? Qu'est-ce que vous sentiez comme sentiment? Ils ont parlé tout le temps. Ça les a tant marqué. Parce que ça leur restait comme, comment dire, à la fois une morsure au cœur et une double morsure. La première, c'est... On a accepté, mais on a accepté parce qu'il y avait un mensonge, parce qu'il y avait un rideau de fer. On a participé à un mensonge planétaire et global. Mais on a été intoxiqué. Et au fond, c'était l'idée de pas coupable. On n'était pas coupable. Mais comme tout le Parti communiste français, si vous voulez, la vérité, pour ceux qui ont toujours été anticommunistes et anti-soviétiques, il y a même ceux qui l'étaient, les résistants français, certains résistants français l'étaient après le pacte germano-soviétique. Hein. Bon, c'est difficile de se libérer du mensonge. Regardez aujourd'hui le mensonge sur Cuba. Oui. Le mensonge sur Fidel Castro, il dure pendant des années. Et moi, je n'en veux pas aux gens, j'allais dire, même, j'en veux pas aux gens qui se trompent politiquement. Je préfère ceux qui disent, oui, à cette époque-là, j'étais là, j'étais con et dangereux. Il y a eu l'aveu, il a pu expier avec l'aveu. Ben, c'était une expiation pour mon temps. Bien c'était sûr. Formidable. Écoutez, moi, j'ai eu une chance inouïe. Simone n'était pas avec nous. Mais je ne pensais pas que ça arriverait de mon vivant. Et mon tante ne pensait pas non plus que ça arriverait de son vivant. On est allés à Prague tous ensemble, avec Lise London, avec Costa Gavras, avec Yves Montand. On est allés voir l'aveu et Prague avait changé de camp, si je puis dire. Prague était devenue la capitale d'une Tchéquie démocratique. Celle de M. Dubček. Ça venait d'arriver. Celle de M. Dubček. Ça, c'est... Écoutez... Il y a de très beaux souvenirs hein, dans la vie d'un vieil observateur, ce qui est mon cas. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et je ne pensais pas que je vivrais avec Prague libérée. Bien, alors dernière question, Yvan Levaille. On aurait pu parler du couple, mais on reste sur cet engagement politique et cette difficulté aussi. Oh ben, le couple, on peut le faire en 15 secondes. Bah, tiens, faisons-le en 15 secondes. C'était un couple un peu monstrueux, comme celui d'Elizabeth Taylor et Richard Burton. C'est-à-dire, ils s'engueulaient tout le temps et ils s'adoraient. Voilà. D'ailleurs, la preuve... Ils se sont jamais séparés. Ils dorment côte à côte au Père Lachaise. Voilà. Unis jusque dans la mort. Vous voyez, 15 secondes. Parfait. Dernière question, alors je reviens à quelque chose de politique. Ce Vive la crise, cette émission Vive la crise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas une expiation de trop, celle-là? Non, mais c'est la plus belle erreur d'Yves Montand pour moi. La plus belle. Mais je vais dire un nom aussi. Yves Montand était un agent formidable de communication. Un petit peu comme Coluche, si vous voulez. Vous voyez, c'était une légende vivante, alors, pour le coup. Hein. Bon, et il faisait passer tous les messages. Et donc, il y a des gens qui l'ont pris en main. Alors, il y avait des gens bien, comme Michel Albert, etc. Et quelques autres, comme Alain Minck, qui vit toujours, et qui conseille toujours les grands. Et ces gens-là, ils avaient trouvé, je dis bien, un porte-voix. Et ce porte-voix, il était charmant, Yves, quand on lui disait, voilà, il faut que tu fasses quelque chose parce que, etc. Alors, il a été un petit peu l'acteur d'une comédie. Et c'est honteux d'avoir fait jouer mon temps là-dedans, ouais. Parce que mon temps était généreux. Simone était généreuse, elle aussi. Mais vous voyez, quand on est un trop bon séducteur, séduisant, porte-parole, il y a des gentils manipulateurs qui vous disent « Tiens, t'as une tête, regarde, Reagan est président de la République. Tu pourrais être président de la République française, mon temps. » Et il y a à moitié cru. Oui, ça me rappelle une de Nouvel Observateur, ça. Oui. Oui, qui avait, je crois, pour vérifier, qui avait évoqué cette possibilité. Genre, si c'était lui, vous voyez. Bon, ouais. On vérifiera. Ouais. Merci, Yvan Levaille. Merci infiniment, Fabrice, de ces témoignages. Moi, je suis ravi de parler d'eux parce que ils méritent qu'on s'en souvienne. Et ça s'entend. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Montand Signoret, La perte des illusions. Une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Juliette Eman et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard.